20. Idée reçue numéro 4. Breveter le vivant, c'est indispensable pour faire avancer la science. Lu par Chalero. Idée reçue numéro 4. Breveter le vivant, c'est indispensable pour faire avancer la science. Avril 2003. L'épidémie de SRAS suscite une inquiétude mondiale, sur fond de décompte tragique des morts à Hong Kong et Toronto. Les chercheurs mobilisés tentent de trouver une parade. Le 13 avril, le docteur Mark O'Mara, du Michael Smith Genome Center de l'Agence pour le cancer de British Columbia, au Canada, annonce qu'il est parvenu à séquencer le génome du virus de cette pneumopathie atypique, ouvrant ainsi les espoirs à la mise au point d'un test fiable pour identifier les porteurs et à la plausible découverte d'un vaccin. Le 6 mai, à la surprise générale, l'agence déclare qu'un brevet a été déposé sur le SRAS. La nouvelle résonne comme une trahison. Dans un contexte de coopération scientifique internationale, voilà un groupe de chercheurs qui tente de réserver sa découverte en la protégeant par un titre de propriété. Si l'Office des brevets valide la demande du centre de recherche, plus personne dans le monde ne pourra travailler sur le virus sans lui demander l'autorisation ou verser sa dîme. La porte-parole Susan O'Reilly tente de justifier une telle démarche. Nous avons fait ce dépôt de manière préventive pour protéger l'accès à cette information scientifique et éviter une approche monopolistique émanant d'autres entreprises, organisations ou individus qui pourraient barrer l'accès aux scientifiques partout dans le monde, y compris nous-mêmes. Ajoutant la confusion, le chercheur à l'origine de l'avancée, Mark O'Mara, va jusqu'à refuser de voir son nom sur le brevet car il croit que les séquences d'ADN sont des découvertes et pas des inventions et ne doivent pas être brevetables. La situation semble ubuesque. En vérité, au moment où les Canadiens déposent leur brevet, d'autres centres de recherche publics font de même partout dans le monde. Et surtout, plusieurs entreprises ont agi de la même façon, espérant ainsi s'attribuer le marché à venir des tests sur ce virus. Abbott Laboratories, Focus Technologies ou encore Quest Diagnostics, parmi tant d'autres. Pour ces dernières, nul brevet préventif. Ils ambitionnent bel et bien de préempter un marché potentiellement lucratif. Cette course au brevet est aberrante, mais symbolique du délire qui a saisi la recherche biotechnologique sous l'effet d'une petite révolution, celle qui a conduit de nombreux pays à accorder des titres de propriété sur le vivant. L'acte fondateur de ce changement remonte à 1972, date à laquelle la firme General Electric dépose une demande de brevet sur un micro-organisme génétiquement modifié et capable d'absorber certaines pollutions marines. L'office américain commence par refuser, en s'appuyant sur un des critères historiques de la brevetabilité, un organisme vivant, produit de la nature, ne peut être considéré comme une invention. Cependant, General Electric porte l'affaire devant les tribunaux et en 1980 obtient gain de cause devant la Cour suprême, qui stipule dans ses attendus que le vivant n'est plus considéré comme produit de la nature dès lors qu'il nécessite l'intervention de l'homme pour être mis au jour. L'arrêt Chakrabarty, du nom de l'inventeur, a depuis ouvert toutes les vannes. L'explosion concomitante du génie génétique a révélé le danger d'une telle règle, car, par définition, la mise au jour des propriétés d'un gène est une intervention de l'homme. Des milliers de gènes submergent depuis les offices de brevets, incapables de faire le tri entre abus et demandes légitimes, et ce pour la plus grande joie des entreprises engagées sur ce créneau, qui ne cessent de défendre leur vision du monde. Un brevet sert mieux notre communauté que 10 publications, proclame ainsi un entrepreneur de biotechnologie, affirmant que la science a tout à gagner d'accepter l'appropriation des connaissances. On peut rester dubitatif devant une telle certitude. L'exemple le plus connu est celui de la société américaine Myriad Genetics, titulaire depuis 1997 de brevets sur les gènes BRCA1 et BRCA2, de prédisposition au cancer du sein. La firme s'est lancée dans une croisade mondiale pour faire respecter ses droits de propriété, en sommant des laboratoires engagés dans la recherche clinique et l'expérimentation sur ces deux gènes de cesser leur activité. L'université de Pennsylvanie, dont les travaux dans le domaine étaient pourtant très avancés, a ainsi dû capituler en 1998 devant les menaces de poursuite. En France, l'Institut Curie, qui a mis au point un test diagnostique plus efficace et moins coûteux que celui de Myriad, s'est retrouvé dans la même situation et a décidé de contester la validité des brevets devant l'Office européen, OEB, aux côtés d'autres centres de recherche hospitaliers du continent. En guerre ouverte contre les pratiques de l'entreprise, l'Institut Curie rappelle au passage que Myriad exige des chercheurs désireux de travailler sur certaines populations à risque d'expédier leur prélèvement ADN au siège de la firme à Salt Lake City. Si, pour la société américaine, c'est un moyen de se constituer une banque de données génétiques de très grande valeur, les chercheurs déplorent une perte d'expertise et d'information, car ils ne pourront plus améliorer les techniques et les méthodes diagnostiques, ni poursuivre leurs recherches dans des conditions acceptables. L'argumentaire a été partiellement entendu par l'OEB. En mai 2004, une partie des revendications de Myriad sur ces gènes a été annulée. Ce cas est emblématique des problèmes posés par les brevets sur les gènes, bien trop large et susceptible d'accorder aux entreprises qui en disposent un pouvoir de contrôle exorbitant sur la recherche. De fait, les brevets sur les vivants ont mis à mal une frontière jusque-là très établie en matière de recherche scientifique. À la science ouverte, celle des publications et du partage libre de la connaissance, les découvertes fondamentales ouvrant de multiples possibilités. Et à la science IPR, pour Intellectual Property Rights, les applications industrielles et commerciales concrètes couvertes par des brevets et des licences. Avec les brevets sur le vivant, cette distinction a explosé, et ce, même si les firmes qui les déposent jurent qu'elles ne cherchent pas à protéger des gènes nus, mais seulement des applications précises. C'est le cas des BRCA1 et 2 de Myriad. À l'origine, seule l'application diagnostique était protégée. Mais non seulement Myriad a obtenu d'autres brevets très contestables couvrant d'autres applications, mais surtout, en protégeant le diagnostic, c'est le point de départ de toute recherche qui est verrouillée. Des milliers de gènes ou de séquences génétiques sont aujourd'hui brevetés, et cela conduit à une privatisation de la recherche académique en biologie moléculaire, selon l'économiste Fabien Orsi. Le symptôme le plus flagrant demeure le nombre impressionnant d'entreprises et de start-up qui se sont lancées dans le commerce des découvertes. Si le bénéfice individuel des déposants est évident, cette situation risque de mettre à mal la coordination entre chercheurs, en leur interdisant ou en rendant plus difficile l'accès aux outils de recherche indispensables que sont les connaissances intermédiaires. Cette situation conduit à un morcellement de la connaissance en autant de brevets sur des séquences partielles détenues par des acteurs différents, situation qui compromet gravement le développement de la recherche ultérieure, indique Fabien Orsi. Ce phénomène de blocage est-il spécifique au domaine du vivant ? Non. Et on le retrouve à l'œuvre dans tous les cas où les brevets protègent des travaux de base, dont la réutilisation est indispensable à l'avancée d'une multiplicité d'autres inventions. Les questions scientifiques sont trop complexes pour qu'on les attaque de façon fragmentée, avec des données en quantité limitée et des clés d'accès toujours détenues par une entreprise, précise le prix Nobel de médecine 2002, John Sulston.